Clément. Tonaï. Oui. On a fait une grosse connerie. On avait dit qu'on parlerait du Discord à chaque petit morceau. Ah, hier. Ouais, et on l'a pas fait. Du coup, je reprends. Vas-y. Non, mais parce que moi, j'ai pas envie de venir à un apéro parce que j'ai pas besoin. Enfin, je vous envoie vous parce que vous êtes les gens. Enfin, les gens vous attendent. Ouais. Les gens ont aucune envie ni besoin de me voir moi. Ouais. Donc vous y allez. Vous dites que je vais bien. Bah, vous dites non, ça va, il va bien. Et puis moi, je suis pas loin en train de, tu vois. Je vais pas te mentir, si on nous demande, je vais dire non seulement tu vas mal, et je vais même dire où est ta position GPS directement, comme ça ils vont tous aller te chercher et tu vas arriver sur le point du Discord en slamant mec. On fait une longue chaîne humaine. Ah t'es là toi, tiens bouge pas. Allez hop. Non, parce que les gens aiment bien te parler. Non. Si. Non, mais les gens m'écoutent parler. C'est le deal normalement. Ah bah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est les gens m'écoutent voilà. Parler. Ils sont là, ils te posent une question, puis paf. Ah bah là après c'est parti là. Ah bah là c'est on s'assoit, on est là. C'est formidable. T'as fini, Jack, j'ai une autre question. Tac et on s'assoit, on t'écoute et on kiffe. Comment tu vas, Tonaï? Eh ben je vais vachement bien. Ça me fait plaisir de te voir. Ah ouais, j'ai encore pas beaucoup dormi aujourd'hui hein. Non mais c'est je sais pas pourquoi tu cumules comme ça, tu fais faire gaffe à ça. J'ai hein. pas le temps. Et en plus, je suis pareil que tu vas pas beaucoup dormir demain non plus. Si quand même. Ah ouais. J'ai anticipé, on a déjà fait les courses. Oh le malin. Donc comme ça là, tranquille. Normalement demain. Parce que demain, grosse soirée. Oh là là, grosse journée même. Oh là là. On attaque. Allez, attaque. Petit générique. Oh, j'étais chaud là. Je prends des cours de chant quand même. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un groupe américain. Mmh. Un groupe américain qui est déjà venu au Hellfest. Étonnamment, hein. Enfin, étonnant, pardon. Oh, ça m'aurait étonné du contraire, par contre. Qui est venu en 2010, en 2012, en 2015, en 2018 et en 2025, du coup, que j'ai déjà été voir. Et je me souviens être resté, mais pas beaucoup de morceaux. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Oui, non, mais je vais essayer de revenir là-dessus un peu plus tard. Qui a eu un peu une carrière un petit peu chaotique, mais qui a une histoire quand même un peu marrante et surtout... Enfin, pas une histoire, mais il y a des trucs, moi, qui me font un peu... Que j'aime bien. Chaotique dans le... Je t'écoute. Non, mais... Je suis curieux. Est-ce que tu sais au moins de quel groupe on va parler? Exodus. C'est bon le thrash, j'aime bien ça moi. Ouais, je savais bien. J'aime bien. Donc, Exodus, groupe de thrash metal américain qui s'est formé en 81. Oh putain, quel mois? Je suis pas sûr d'avoir... J'ai fini ou pas? Je sais pas. Alors, il est originaire de Richmond en Californie et pour la petite histoire, il est initialement composé de Kirk Hammett. Regarde, il est en figurine là-bas, Kirk Hammett. Oh dis donc. Ah ouais. et donc de Tom Hunting, Paul Baloff et de Gary Holt, le fameux Gary Holt, car c'est lui qui m'intéresse le plus dans cette formation. Depuis, donc ils ont 11 albums studio, 2 albums live et donc compilation. Et donc le groupe est considéré avec Testament et bien sûr Metallica. Attends, excuse-moi, t'as dit combien d'albums studio? 11. Ah oui, j'ai compris deux. J'ai fait non, pas, deux albums live. Ah d'accord. Et deux compilations. Ok. Et considéré avec Testament Metallica, donc le guitariste Kirk Hammett, comme un pionnier de la scène de Bay Area Thrash, avec aussi Anthrax, Slayer et Megadeth. Parce qu'en fait, normalement, on parle du Big Four comme étant Slayer, Metallica, Anthrax et Megadeth. Oui, ok. Et en fait, Exodus, ils sont un petit peu toujours restés derrière. Ils font partie du Big Five, quoi. Big Six. J'irais du Big Four étendu. Au bon ? Ouais, bah, mais donc... Okay. Bah un peu oui, parce qu'en fait ils ont jamais eu autant le succès. Alors, ils ont bien marché mais ils ont jamais eu autant le succès. C'est un succès pas en demi-teinte mais je pense qu'ils auraient peut-être mérité autre chose. Enfin ils ont voilà parce qu'ils ont quand même eu plus de 5 millions d'albums vendus à travers le monde. Ouais, ouais. Mais si tu veux en fait ils sont surtout marqués par leurs 3 premiers albums et après derrière enfin il y a eu plein de choses. En fait ce qui s'est passé c'est que donc Kirk Hammett est donc a fondé le groupe. Et puis Metallica est arrivé. Puis ils ont dit Kirk, tu veux venir nous rejoindre? Et puis lui, il a dit au revoir Exodus. Mais je crois de... alors sûrement sur t'es le en moment... train de dire que s'il y avait eu Kirk Hammett, Exodus aurait explosé, il serait dans le Big Four. Non, c'est pas ça que je dis. Non, non, non, non, mais je trouve que tu l'entends un peu d'ailleurs dans les, enfin, tu reconnais un peu du Kirk Hammett, je trouve, dans les premiers albums. Mais enfin, je pense dans le style des solos, mais peut-être que je me trompe. Mais à l'époque, Gary Holt, lui, il était son guitariste tech. Et en fait, une fois que Kirk est parti, il a pris le rôle du guitariste. Okay. Enfin, il y a eu plein d'histoires comme d'accord. ça. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois, parce qu'il n'était pas au tout. En fait. Quand il commence à former le line-up, on est encore qu'en 80, et c'est Kirk Hammett même qui trouve le nom du groupe. Ok. Et donc une fois qu'il est parti, c'est Gary Holt qui le parce que Kirk Hammett il part en 83. Ok. Et en fait, c'est pas Gary Holt qui remplace le guitariste. J'ai dit une connerie. Il y a l'autre guitariste autre que Kirk qui se barre. Gary Holt qui était technicien prend la place. Mm-hmm. Et là après il devient donc il joue à deux en tant que du guitariste et voilà. Il y a énormément de changements de membres dans ce groupe à tel point c'est un truc de malade, ils ont changé de chanteur, ils ont changé de truc. C'est pour ça que j'aime bien parler de Gary Holt parce que t'as l'impression aujourd'hui que c'est un peu le seul vrai mec qui est là depuis le tout début. Mm-hmm. Tu vois allez. Oh pardon. Il y a pas de souci. Tu vois en fait il y a le comment dire, à part le batteur qui était vraiment là à la base, mais qui a eu quelques problèmes de santé, Gary Holt, c'est celui qui est resté et qui est revenu à chaque fois, en fait, tout le temps. Après, il y a des gens qui sont venus. En fait, le groupe a été actif à différentes périodes, genre 80 à 93, 97, 98, et depuis 2001. Mm-hmm. Et en fait, pendant toutes ces périodes-là, il y a eu le batteur qui était là de 80 à 89, après de 97 à 98, 2001, 2005, et puis 2007. Gary Holt, lui, il a été là de 80 à 93, 97, 98, et depuis 2001. Mm-hmm. Donc, c'est lui, en fait, qui a vraiment suivi. Tu vois, Gary Holt, il a été là, actif dans toutes les périodes où le groupe a été actif. Ouais. Donc, c'est pour ça. Et il y en a d'autres. Tu vois, le bassiste, il arrivait de 97, 98 et depuis 2001. Le chant, 2005, 2014. Mais en fait, les chanteurs, ils se sont tous relayés. C'est le seul truc que j'ai regardé un peu en termes de changement. Mais en fait, parce que le chanteur, lui, il y a eu un chanteur, il a été changé, remplacé par un autre. Après, le premier chanteur est revenu. Après, le deuxième chanteur est revenu. Ils sont tous, ils ont embrigadé plein de trucs. Et, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à un moment donné, comme on est en 2011, Gary Holt il va partir en fait. Ouais, il va partir. Voilà, tout le monde est parti sauf moi. Non, c'est pas ça en fait. C'est que à ce moment-là, le guitariste de Slayer, Jeff Hanneman, il est gravement malade. Donc il demande à Gary Holt de le remplacer. Oui, d'accord, oui. Donc Gary Holt, il laisse un peu Exodus de côté en disant c'est Slayer, je peux pas passer à côté quoi. Parce qu'Exodus c'est mon groupe, toucher du doigt le Big Four voilà. Pour de vrai. Mais donc du coup, il quitte pas vraiment. Exodus. Ouais, il en fait toujours partie, mais il est moins présent. Il dépanne un peu, Slayer, voilà. On va dire. Et en fait, de mémoire, je crois que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, moi, quand j'ai vu Exodus, il devait pas être là, Gary Holt, je crois. D'accord. Cette année-là, au Hellfest. Donc, et je dis pas que ça aurait changé forcément quelque chose, mais je suis venu voir. J'ai un peu moins aimé. D'accord. Je suis pas rentré et dedans. Tu mets la faute sur. Non, je mets pas ça la faute là-dessus. Mais inversement, aujourd'hui, maintenant que Slayer est terminé, parce qu'en fait, du coup, il a vraiment rejoint Slayer officiellement. Il a été vraiment. Au début, il était qu'en remplaçant. Après, il a été officiellement membre de Slayer. Et aujourd'hui, il l'est toujours. Enfin, quand il y a une réunion de Slayer, il en fait partie. Je crois, si je peux. Normalement, oui. Et il a même participé à l'enregistrement du dernier album. D'accord. Il a pas composé. Ah, ça fait du boulot quand même. C'est pour ça. Il a pas composé, mais il en fait partie. Okay. Et quand tu regardes aujourd'hui ses réseaux, il est vraiment totalement revenu dans Exodus. Mmh. Et c'est lui qui mène le groupe un peu de ferme. Et un truc très intéressant que j'ai pu lire sur Gary Holt, déjà, il va bientôt sortir ses. Enfin, il a sorti aux États-Unis ses mémoires. Ouais. Avec une préface de Kirk Hammett. Ok, sympa. Comme quoi, il n'y a pas de rancune. Non, il n'y a pas de rancune. Et en plus, c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, il y a eu un concert de Testament, Exodus et je ne sais plus qui. Et apparemment, il y avait Kirk Hammett qui est venu les voir. Donc, ils sont quand même encore vachement proches. Oui, il n'y a pas de raison. Hein. Après, non, mais les choses ont été faites. Et on demande, j'avais eu une question intéressante, où justement, parce que comme le groupe, il n'a jamais réussi à vraiment décoller plus que ça, en fait. Enfin, il marche bien. Oui, il marche bien, mais si tu veux, mais il est pas dans les, comment dire, il fait partie des groupes dont tu connais le nom, mais moins la musique. C'est ça que, pour moi, les groupes de mi-affiche, je dirais, tu vois, en général, c'est les groupes que tu connais. Ah, Exodus, je connais. Mais musicalement, t'as du mal un peu à identifier. Tu sais que c'est du thrash, tu vas pas le différencier d'un autre, tu vois. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Et en fait, on lui demande s'il est pas dégoûté de pas avoir fait partie, tu dandelines de la tête comme si t'es pas d'accord. Pas d'accord, je n'oserais pas te contredire déjà. Si tu peux, complètement. Non, mais je te laisse finir et puis je dirai. Eh ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a demandé est-ce que t'es pas jaloux un peu du succès de Metallica. Il fait non. Parce que Metallica, bah c'est le meilleur groupe en fait. Il dit franchement, ils ont monté, ils ont sorti Master of Puppets, un album parfait. James Hetfield, il est devenu un super bon chanteur. C'est le meilleur guitariste rythmique qui existe. Bah non en fait, ils l'ont pas volé. Non mais il le dit, tu vois, il le dit comme ça, il le dit vraiment. Moi j'ai aucun, je peux pas. Il dit pas, je peux pas lutter, mais il dit non mais c'est les meilleurs. Il y a pas. Alors les gens peuvent après critiquer Metallica, c'est pas ce que je veux dire, mais lui il est là en mode bah non. Ils ont fait Master of Puppets. Qu'est-ce que tu veux dire derrière? James, il avait, quand t'écoutes Exodus, on va en parler juste après, c'est là pour moi le point noir, mais quand t'écoutes Exodus, t'entends le chant, ils ont beau avoir changé de chanteur, c'est quand même le point faible du groupe pour moi. C'est là où ça manque un peu de, j'aime pas trop. D'accord. Aucun des trois? Bah ouais, enfin il y en a pas un qui m'est rentré, enfin qui a su me convaincre. Ah ouais. Là où justement, tu pourrais dans le premier album de Metallica trouver un chant un peu comme ça, et quand tu vois aujourd'hui comment chante James, bah oui, effectivement, il a progressé et c'est en fait c'est plein de petits trucs qui fait qu'un groupe peut devenir incroyable. Ouais. Tu vois, mais après peut-être que Metallica des fois il sort un peu du thrash. Ah oh, bah aujourd'hui, ah oui, complètement, ouais, là, aujourd'hui complètement, mais c'est pas la question. Alors que Exodus même le voilà, il y a ça aussi. Ils ont une ligne de conduite qu'ils ont gardée debout. D'ailleurs, j'ai même pas vu j'ai pas dit dans quelle scène ils jouaient Exodus en plus. Ah si, bah si, il joue en tête d'affiche, voilà. Eux aussi, là, ils jouent en tête d'affiche. Oui, mais pas en... T'as pas dit là, t'as toujours j'ai, pas dit j'ai là, pas dit. En Altar, bien évidemment, Altar, oui. évidemment. Oh, bon. Ouais, donc voilà, moi, c'est le chant qui me... Autant musicalement et rythmiquement et tout, je trouve que ça envoie, ça balance et dérive de malade, ça va vite. Mais, j'ai pas le... La voix me manque, le chant me manque et voilà, c'est ce qui m'a manqué à moi principalement sur Exodus, qui fait que c'est pas un de mes groupes coup de cœur. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Tonai? Alors, donc déjà, pour commencer, donc c'était du thrash. Oui, hein, du thrash. On est sur du thrash. Donc du coup, bon, t'as dû te dire, bon, on va voir ce que Tony en dit. Parce que je crois que le thrash... C'est pour ça, je teste des trucs. Alors du coup, bah, c'était pas forcément une découverte. Ah. Parce que j'avais écouté déjà un petit peu. C'est un groupe que j'avais découvert quand j'avais parlé de Testament dans mes premières années. Et du coup, j'avais déjà un petit peu écouté pour... Pour comparer un peu, parce que ben le thrash, moi je connais pas énormément, je voulais voilà distinguer un peu. Donc du coup, donc je connaissais un petit peu, voilà. Alors ce que j'en ai pensé, il a fallu que j'écoute. Voilà, le thrash, ça a cet effet sur moi qui me laisse pas complètement indifférent, mais pas loin. Mais pas. Non, j'ai pas envie de dire ça quand même. D'accord. Parce que franchement, non, je comprends. Bah ça s'écoute bien quand même, ouais. Tu vois, je veux dire, c'est énergique, je reste pas complètement immobile et insensible non plus, tu vois, je peux avoir envie de bouger, de m'éclater, parce que c'est un peu le but de ce son-là quand même, hein, je trouve. Ah. Bah ouais, ça marche bien, franchement j'en ai c'est écouté, entraînant, tu bouges la tête, le headbanging. Ouais, carrément, c'est entraînant, c'est pas un style que je vais aller chercher de moi-même, mais quand ça passe, je vais pas forcément nexté automatiquement, ouais. Bon bref, et en tout cas Exodus, ben j'ai apprécié quand même de découvrir, c'était un petit peu aussi un côté, j'ai pas envie de dire un honneur, c'est peut-être un terme fort, mais je me rappelle que Testament, voilà, j'ai découvert que c'était quand même des tontons du style, ouais, Exodus ouais. Pareil, donc voilà, pour ma culture personnelle, je veux dire c'est excellent de découvrir un groupe comme ça. Ouais. Donc du coup moi je me suis un peu amusé parce que j'ai regardé aussi du coup les chanteurs, j'ai découvert qu'il y en avait eu 3 et donc il y en a un, Steve Souza, qui a duré quand même bien longtemps. J'ai essayé un petit peu de les différencier pour voir un petit peu si j'arrivais à les comparer, les différencier. Ouais. Et en fait, clairement, le premier album avec Paul. Steve Souza, c'est lui qui est actuellement en ce moment. Ouais, non. Ah si. Ah bon. Ah bah c'est 2014-2020. Rob Duke qui est annoncé pour 2025. Ah peut-être. Sur pas, Wiki. Après, ils peuvent se planter peut-être. Non, mais attends, parce que j'ai vu 2014 à 2025. Du coup, j'arrivais pas trop à savoir si. Peut-être. Et je pense que sur le dernier album, c'est Steve Souza, on en est sûr. Ah oui. Par contre, sur Wiki, je vois Rob Duke depuis 2025. Exact. Autant pour donc moi, c'est mais pour ça. C'est pas parce que je viens de voir 2025. Ouais, mais effectivement, mais il a pas fait autant d'albums que Steve Souza, par contre, sur la carrière. Ah non, parce que 2005-2014, après 2008. Ouais, ouais. Donc, j'ai écouté le premier album, donc avec le premier chanteur, qui avait quelque chose. Franchement, dans la voix, C'est et puis j'avais regardé un petit peu c'est il était co- le comment Paul Baloff voilà il est considéré comme bah, meilleur le... chanteur ouais. de trash mais il est décédé oui, oui ça j'ai vu ça non donc du coup voilà bah non bonne découverte voilà énergique speed et tout bon bah voilà le trash classique on peut ah, dire oui. un peu bah hein. oui on est dedans on est vraiment vraie grosse veine trash quoi ouais de toute façon tous les albums d'Exodus sont avec quelques morceaux qui peuvent sortir un petit peu du lot de temps en temps une petite ceux que moi j'apprécie le plus c'est ceux où justement le tempo est un peu moins élevé ah ouais ouais je sais pas après c'est le l'effet que me donne le trash des fois j'ai l'impression que on est passé au trash quand même au trash des fois enfin j'ai pas envie d'être voilà j'ai l'impression que ça en fait tout le temps des caisses pour que ça soit tout le temps pa énergique pa bam tu vois ah enfin, ouais je sais pas okay. c'est que ça me fait bon mais voilà donc bon après bah Steve Souza moi j'aime bien la voix de Steve Souza par contre moi je trouve que il peut se permettre tu vois c'est pas que aigu heavy la nuance il fait des trucs il propose des trucs et franchement des fois t'es oh, putain ouais et, putain il fait ce qu'il veut lui en vrai ouais. vraiment ouais, putain de voix le mec et puis ben Rob Duke ça doit être un des albums préférés Exhibit B là c'est vraiment celui que j'ai un peu retenu un peu plus retenu et mais j'ai moins mâché mon plaisir attention je suis pas sûr de l'avoir écouté moi 2010. Après et pourtant et en plus c'est marrant parce que je crois que après je saurais pas dire hein, si techniquement il est au-dessus ou en dessous tu vois mais j'ai trouvé peut-être un peu en dessous tu vois en termes de ce qu'il peut se permettre et tout mais il a quand même une voix qui sort un petit peu du lot de ce qu'on entend d'habitude donc il se différencie quand même. Bon, en tout cas, Exodus, ben, c'était quand même une bonne découverte. J'étais quand même content de me faire une bonne partie de la disco, parce que j'en ai bien bouffé. Et, non, franchement, je pense que tu peux que passer un bon moment quand même, hein, après. Mais tu n'y seras pas. Eh ben, j'ai pas envie de dire non, ça pourrait être un tour quand même. Tu vois, tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible, ça va bouger, ça va être énergique, ça. Puis il y a Gary Holt. Moi j'aime bien Gary Holt. Et puis il y a Gary Holt donc. Tu vois par exemple là c'est mémoire là, j'ai essayé de les choper pour les lire, ça m'intéresse. Oui, je m'imagine qu'il y a plein de choses à découvrir. Non. J'aime bien le personnage et tu sais c'est lui qui à un moment donné ils avaient vu tu sais vu les Kardashian, c'est une photo mythique de Gary Holt où je sais te la montrer après. Il a le t-shirt. Alors en fait parce qu'ils avaient vu que les Kardashian avaient mis un t-shirt Slayer. Ah ouais. Et lui il avait mis un truc genre Kill Kardashian ou Fuck Kardashian. Ah ouais d'accord. C'est trop bien. Il semble que j'avais vu un truc dans le. Puis même sur les réseaux, il est cool comme mec. Vraiment, ça a l'air d'être le cool guy, quoi. Donc, et il riffe comme un porc. Et moi, j'aime bien les mecs qui riffent. Qui riffent comme des porcs. Et bah, du coup, Tonai, peut-être qu'on se verra là-bas, alors. Ah bah, et d'affiche. Avec plaisir. Ça serait trop bien. Merci beaucoup. Bah, de rien. Avec plaisir. À la prochaine, Tonai. Allez, à bientôt. Ciao.